Bonjour, vous êtes tous là? Mais j'ai 6 rendez-vous pour la visite. Qui est la 7e personne? C'est moi, monsieur. Je suis avec une amie. Je l'accompagne pour voir l'appartement. Bon, très bien. Alors, je dois vous dire que c'est un appartement parfait pour un ou deux étudiants. Il est à côté des universités et à 5 minutes du centre-ville. Bien, nous allons commencer la visite. Voici l'entrée. À droite, vous avez la salle de bain. La couleur, c'est pas terrible. On peut la changer? Oui, pourquoi pas. Le propriétaire est très gentil, je le connais bien. Je peux lui demander. Je pense que c'est possible. Bon, ici, vous avez la chambre avec une grande fenêtre. Elle donne sur un jardin, c'est très calme. Ce n'est pas très grand. Oui, mais qu'est-ce que vous allez mettre? Un lit, une armoire, une table de nuit? Vous pouvez les mettre. Oui, c'est vrai. À gauche de l'entrée, vous avez un beau salon avec deux grandes fenêtres. Et en face, qu'est-ce que c'est cette construction? La ville va faire une salle de spectacle, je crois. C'est un quartier bruyant? Non. Vous pouvez parler aux voisins, demandez-leur. Bon, on continue. Voilà la cuisine. Petite, mais pratique. Oui, c'est pas mal. Alors, ça vous intéresse? Ah oui. Oui, beaucoup. Bien sûr. Ah, désolé, ce n'est pas un appartement pour 6 personnes. Qui est le premier sur ma liste de rendez-vous?